Donc le grand engin de pêche fut jeté par-dessus bord, et deux hommes à l'avant, deux hommes à l'arrière, commencèrent à filer sur les rouleaux les amarres qui le tenaient. Soudain, il toucha le fond. Mais une haute lame, inclinant le bateau, Javel Cadet, qui se trouvait à l'avant et dirigeait la descente du filet, chancela, et son bras se trouva saisi entre la corde, un instant détendu par la secousse, et le bois où elle glissait. Il fit un effort désespéré, tâchant de l'autre main de soulever la mare, mais le chalut traînait déjà, et le câble roidi ne céda point. L'homme, crispé par la douleur, appela. Tous accoururent. Son frère quitta la barre. Ils se jetèrent sur la corde, s'essayant de dégager le membre qu'elle broyait. Ce fut en vain. « Faut couper !» dit un matelot. Il tira de sa poche un large couteau qui pouvait, en deux coups, sauver le bras de Javel Cadet. Mais couper, c'était perdre le chalut. Et ce chalut valait de l'argent, beaucoup d'argent, 1500 francs. Et il appartenait à Javel aîné, qui tenait à son avoir. Il cria, le cœur torturé, « Non, coupe pas, attends, je vais l'offer !» Il courut au gouvernail, mettant toute la barre dessous. Le bateau n'obéit qu'à peine, paralysé par ce filet qui immobilisait son impulsion et entraîné d'ailleurs par la force de la dérive et du vent. Javel Cadet s'était laissé tomber sur les genoux, les dents serrées, les yeux hagards. Il ne disait rien. Son frère revint, craignant toujours le couteau d'un marin. « Attends, attends, coupe pas, faut mouiller l'ancre !» L'ancre fut mouillée, toute la chaîne filée, puis on se mit à virer au cabestan pour détendre les amarres du chalet. Elles s'amollirent, enfin, et on dégagea le bras inerte sous la manche de laine ensanglantée. Javel Cadet semblait idiot. On lui retira la vareuse, et on vit une chose horrible, une bouillie de chair dont le sang jaillissait à flots qu'on eût dit pousser par une pompe. Alors, l'homme regarda son bras et murmura « Foutu !» Puis, comme l'hémorragie faisait une mare sur le pont du bateau, un des matelots cria « Il va se vider ! Faut nouer la veine !» Alors, ils prirent une ficelle, une grosse ficelle brune et goudronnée, et, enlaçant le membre au-dessus de la blessure, ils serrèrent de toute leur force. Les jets de sang s'arrêtaient peu à peu et finirent par cesser tout à fait.